pour déplacer ta remorque ou ta roulotte, pour un voyage de pêche ou pour amener tes enfants à leur partie de soccer. Et comme tu travailles fort, ça te prend un camion pour te surpasser. Le Ford F-150 est pour toi. Tous les autres camions voudraient lui ressembler, mais il n'y a qu'un seul Ford F-150. Passe le voir chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien et profite de la super promotion du prix employé Ford. Tu obtiendras les meilleurs rabais sur tous les véhicules Ford et sur ton F-150. On t'attend chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien. Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux, une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 29 juillet. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant que c'était la traversée internationale du lac Saint-Jean qui se déroulait au cours du week-end à Robertval. Il y avait également le marathon de la relève. On va commencer d'abord avec la traversée internationale du lac Saint-Jean. C'est Marcel Schwitten qui a remporté la victoire avec un temps de 7h13 et 31 secondes. Christopher Deisgan, qui est un Australien, a terminé en deuxième place avec un temps de 7h23 minutes et 16 secondes. Et l'Argentin Matias Diaz Hernandez a terminé au troisième rang. Du côté du Québec, à noter que Alexandre Petitguet, qui est la première nageuse qui vient des Premières Nations, a essayé de traverser le lac Saint-Jean, a arrêté au 16e kilomètre, évidemment, dû à des problèmes de santé. Il y a également Dania Bellil qui, elle, a abandonné. Tant que Marie-Laurence Lortie, elle a terminé au 14e rang avec un temps de 8h36 minutes et également 6 secondes. Samuel Matt, tant qu'à lui, a pris le 8e rang avec un temps de 7h45 minutes et 39 secondes. C'était également le marathon de la relève qui était présenté. Ça se déroulait vendredi et c'est à noter que c'est Rachel Bruni qui a remporté la victoire avec un temps de 2h03 minutes et 56 secondes. Il y a également la première Canadienne, c'était Stephanie Horner qui a pris le quatrième rang avec un temps de 2h04 minutes et 8 secondes. Et tant qu'Adria Terrio, elle a terminé au huitième rang avec un temps de 2h10 minutes et 53 secondes. Il y avait des matchs de soccer qui se déroulaient hier. On a quelques résultats à vous partager. Et c'était une victoire d'abord du FC de Saint-Félicien 3-0 sur le FC de Saint-Ambroise dans un match de la catégorie senior féminin division 1. Maintenant, du côté du senior masculin division 1, verdict nul de 2-2 entre Saint-Bruno et les Chinook de Chicoutimi et victoire du FC du Fjord 6-4. Sur le Chinook de Chicoutimi. Et on va terminer avec le club de golf de Chibougamau. Il y a deux petites nouvelles en fin de semaine. C'était la Coupe Ryder, qui est une espèce de Coupe Ryder amicale qui s'est fait au club de golf de Chibougamau. Et c'était une victoire des Souriants 23-9 sur les Sympathiques. Et également, à noter également qu'il y a eu un trou d'un coup qui s'est fait. C'est le premier trou d'un coup de l'année. C'est Dave Lachance qui a réussi un trou d'un coup dernièrement au trou numéro 6. Le sport local et régional à danradiosport.com.